بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم فما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأخذنا محمد ابن الوهاب رحمه الله تعالى et j'avais omis d'évoquer yani, qu'est-ce que ma'na al-asl lakin fil haqiqa on a pu voir dans lorsqu'il avait évoqué anna asl al-din wa qa'idatuhu amran fa al-asl ma huwa min bab al-maraja al-asl fondement dans la langue arabe et char'an il a le même sens que la base non. Et char'an comment on le reconnaît bah, on le reconnaît il y a quatre façons de reconnaître un fondement. Le premier, c'est lorsque les preuves elles sont claires et elles sont sans équivoque. Sur ça. La deuxième, c'est quand c'est venu de façon mutawatir. La troisième, c'est lorsque il y a ijma des savants sur ça, c'est venu par l'ijma. Et la quatrième, c'est que ça n'a jamais été aboli dans les milliers précédents. Ah d'accord. Et ce qui va être évoqué ici, il y en a parmi les usul. الأدلة في ذلك واضحة كما يذكره هو رحمه الله لما قال بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام الله عز وجل expliqué et exposé ces usul qu'il a évoqué dans cette رسالة de manière qui sont واضحة كما قال بيانا واضحا للعوام et les personnes de la masse yani, ceux qui ne font pas partie des ulama qui n'ont pas les outils yani, pour comprendre yani, la science approfondie فهؤلاء يعني سهل عليهم كي يفهمون هذه الأصول له. donc ça nous montre bien que ces choses qui va évoquer رحمه الله ce sont bien des أصول. لأن الأدلة في ذلك هي واضحة. نعم. ensuite on a pu voir يعني on a pu prendre la مقدمة évoquer la بسملة. الباء c'est quoi le معنى dans lorsqu'on dit بسم الله؟ الاستعانة. نعم الاستعانة بالله عز وجل. الله هو. et tu verras dans les كتب de نوحة qui vont évoquer d'autres choses. Ils vont dire que le ba, c'est bi ma'na al-mulasaqa ou bien d'autres choses, il y a d'autres ma'ani que la ma'ana de l'istihana. Et ça, il faut savoir que la plupart des ulama dans le nahw, ce sont des personnes qui sont égarées, il y en a dans l'aqida. Soit jibriya, soit qadariya, soit asha'ira, il y en a dans l'aqida, ils n'ont pas l'aqida qui est salima. C'est pour ça qu'ils viennent interpréter cette ba, bi ma'na al-basmala, parce que la plupart, kathir minhum, c'est des jibriya. يعني الذين لا يثبتون للعبد مشيئة. ils disent que l'arabe يعني c'est comme une plume dans l'air. يعني il a pas d'irada. تمام. فلذلك ils disent pas le bas c'est بمعنى استعانة parce que ça voudrait dire que tu as une مشيئة. parce que la personne si elle demande l'aide auprès d'Allah عز وجل c'est qu'il a la volonté qu'Allah عز وجل l'aide. donc il a une مشيئة. il veut. تمام. donc c'est pour ça qu'ils viennent et te disent que c'est pas بمعنى استعانة. tu penses que voilà ils sont en train de développer d'autres sens qu'il y a dans le bas. Et tu dis, ouais, ça peut être bien, mais ceci et cela et cela. Et puis, le haqiqa, c'est une chouba qu'ils sont en train de blesser doucement. Il faut faire attention dans les kutub de Nuhat, qui sont à la balaye. Ça m'a fait rappeler notre call, qu'a évoqué l'imam au Sheikh, à Salah al-Sheikh, au Fakhullah, dans son charge de loi Sitiya. Il évoquait que Kavalika al-Ba, ça peut être bien, at-tawassul. Et at-tawassul, na tetan bismillahi azza wa jal. C'est-à-dire que il prend cette prononciation-là, qu'est le basmala, comme intermédiaire. En termes de demander à Allah Azza wa Jal qu'il lui donne la récite dans cela, en prenant l'intermédiaire d'évoquer le nom d'Allah Azza wa Jal. Donc là, yani, le qawl thani, c'est bima'na tawassul, c'est-à-dire qu'il demande à Allah Azza wa Jal qu'il lui facilite ce qu'il entreprend. Et il y a tawassul bidhalika bi-natq al-basmala. كما في الآية ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ils ont pas commencé directement la doha al malika. ils ont fait un tawassul bi asma illahi azza wa jal. ça fait partie كذلك des asbab dans le comment s'appelle l'istijaba. il est bien aussi de faire un tawassul. c'est-à-dire que d'évoquer des amal qui sont saliha comme les trois qui étaient bloqués dans la grotte. chacun d'eux a évoqué une œuvre dans laquelle il a fait preuve de sincérité. et ça a été une cause yani, que la grotte a s'est ouverte yani, petit à petit. كذلك قال يبكي لنا الله عز وجل إلى آخره يعني ça fait partie des asbab pour que Allah subhanahu wa ta'ala il exauce les dohas donc ça peut être bimana التوسل ou bien de demander directement l'aide d'Allah Azzawajal. Donc soit à tawassul ou soit à l'istihana. Et les autres aqwal qui sont évoqués par rapport à la basmala, c'est des paroles qui ne sont pas sahiha. Ça c'est la parole d'Ahl al-Sunnah qui m'a dit à l'imam al-Qurtubi rahimahullah. Kadhalik, lorsqu'il a dit min ahdab al-hujab ou akbar al-ayati dallati ala kudrati al-malik al-ghallab. Al-malik c'est ismun min asma'illah subhanahu wa ta'ala, malik yawm al-din. C'est un isme qui est connu fi kitab wa sunnah. Al-ghallab, par contre il n'y a pas de dalil qui prouve cela que parmi asma'illah subhanahu wa ta'ala al-ghallab. Et al-ghallab c'est celui qui prend le dessus sur les autres. Ça vient de Ghalaba. Lakin, est-ce qu'on peut l'attribuer à Allah Azzawajal? On n'a pas de dalil qui appuie cela. Donc, yani, on a tawakaf. On ne dit pas que min asmillah Azzawajal c'est le Ghalaba, et kathalika la nanfi. Comme on a pu voir, le ithbat, il faut un dalil. Lorsqu'on affirme un nom, que ce nom-là il fait partie des noms d'Allah Azzawajal, il faut un dalil. Et lorsque kathalika, yani, on veut rejeter une chose, un nom, il faut kadhalika qu'on ait un dalil. Si jamais on n'a ni cela, ni dans l'ithbat, ni dans le nafi, fahawana na tawakaf, na kul Allahu a'lam. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il a des attributs, kadhalika des asma autres que ceux qu'il a révélés à cette communauté-là. Al-Ghallab, il n'y a pas de dalil. On ne connaît pas de dalil qui attribue ce nom-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, c'est min sifatillahi Azza wa Jalla. Min sifatillahi subhanahu wa ta'ala, anahu yaghlib. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli. Dans le Kitab Allah, et Allah Azzawajal a prescrit, a décrit, l'aghlibanna ana wa rusuli. Combat que je vais triompher, ana wa rusuli. Donc ça montre que c'est une sifa, une sifa d'Allah Azzawajal. L'anna hadha fi'alun min afhari. C'est un acte qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala fait. Et tout acte qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala fait, c'est une sifa lahu. C'est un caractéristique, c'est un qualificatif lahu. Lakin, des sifat, on ne peut pas prendre une sifat pour attribuer le nom. Il faut un dalil en plus. Donc c'est min sifatillah azza wa jalla, et yajuz min bab al-ikhbar, yani d'informer qu'Allah azza wa jalla c'est le ghallab, yajuz. Amma min haythu ad-du'a ila akhirih, yani il faut mieux évoluer. Non, parce que c'est on a pas de dalil par rapport à ça. Même si jamais la sifa a montré bien cela, lakin c'est pas tout sifa dans lequel on prend un ism. Maintenant Allah azza wa jalla min sifatihi at-takallum, le fait qu'il parle. On n'a pas d'aller que mais asma'ihi al-mutakallim. Donc inchallah on va poursuivre. Qala rahimahullahu ta'ala, on va dire l'asl entièrement, ensuite on va venir l'expliquer petit à petit. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-asl al-awwal ikhlasu dinillahi wahdahu la sharika lah wa bayanu diddihi alladhi huwa ash-shirk billah wa kunu akthar al-qur'ani fi bayan hadha al-asl min wujuhin shatta bikalam yafhamuhu abladul 'amma ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة التنقص وفي سورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم وأظهر لهم الشرك بالله عز وجل في سورة محبة الصالحين وأتباعهم. فهنا رحمه الله تعالى بدأ بالأصل الأول الذي يتكلم ويتحدث عن الإخلاص عن التوحيد والشرك بالله عز وجل وحق أنه يبدأ بذلك. Il se devait de commencer par ce asl-là. Parce que c'est le asl, yani, c'est la base des bases, c'est le fondement des fondements qui est at-tawhid. Fabada bihi rahimahullahu ta'ala, parce que c'est le muhim. C'est le plus important. Comme on a pu le voir. La première des choses qu'on commence le da'wati ila Allah, c'est at-tawhid. Wa al-hadar an al-shirk. Kama fa'ala dhalika al-rusul. Wa hada bil-ijma'. Wa kadhalika, il a évoqué ce asl-là, parce que les gens. Yani, ils ont apporté une choubha. Ils ont une mauvaise compréhension du tawhid et du shirk. Ils ont inversé les choses. Fakana huwa yani yahiq alayhi, qui montre le bayan dans cela. Wa qala l'imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala qala ma tazdawaja al-kalamu bil-batil wa as-sukuti an tawallada min baynihima ijhalul haqq wa idlal al-khalq. Il dit l'imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, il montre l'importance de bayan lorsque le batil est propagé. Et qu'il n'y a personne qui le réfute. Et d'ici là, on ne fait pas cela, c'est-à-dire qu'on n'éclaircit pas les choses, qu'on n'expose pas la vérité. Qala yatarattab min dhalika, c'est-à-dire qu'il va en découler de cela, qu'on va ignorer la vérité et que beaucoup de gens seront égarés. Yatawallad min dhalika idlal al-khalq wa ijhal al-haq. On ne connaîtra pas la vérité et qu'à dhalika, les gens seront égarés parce qu'ils vont dire, si jamais ça aurait été faux, il y a des ahl al-haq qui auraient parlé, ils ne seraient pas tués, ils auraient démontré que c'est faux il a fait. فهو رحمه الله تعالى يعني أخذا بالآية الكثيرة التي تأمر بالبيان لما أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس الآخره الآية الكثيرة qui impose de montrer الحق lorsque il est bafoué, lorsqu'il est mal compris. Donc il a évoqué ce premier asl-là parce que ces gens-là ont mal compris qu'est-ce qu'était Tawhid. Malgré que Tawhid, comme on le sait, يعني c'est simple de compréhension, mais ça demande un tawfiq min Allah azza wa jalla, parce que c'est da'iman que l'insan il faut qu'il soit ses intentions soient pour Allah azza wa jalla. Fa la budda ka yaram pa yani fi qalbihi hubb ad-dunya wa hubb al-madh. C'est ça le plus dangereux. Wa illa al-fahm min at-tawhid, comprendre le tawhid, yani compliqué la kin, c'est tawfiq min Allah azza wa jalla qui demande que l'insan il se prépare par rapport à cela pour qu'Allah lui donne le tawfiq et l'épargne, yani de tomber dans le shirk. فقالها هنا قال الأصل الأول تم إخلاص الدين لله وحده لا شريك له الإخلاص في اللغة العربية بمعنى التنقية تم والتهذيب سسي في اللغة العربية بس كم بعض الإخلاص تم سبي معنى التنقية c'est le fait de purifier une chose تم lorsqu'une chose est purifiée on appelle ça يعني أنه مخلص إلى آخره donc سبي معنى التنقية وكذلك التهذيب كما قال علماء اللغة وأما في الشرع أحسن من عرف الإخلاص لم يقصن كي يدمن خلا على ديفينيشن دي والله علم يعني دي الإخلاص الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مدارج السالكين في مدارج السالكين رحمه الله إلى يبكي كسك الإخلاص فقال رحمه الله تعالى قصد المعبود وحده بالتعبد قصد المعبود وحده بالتعبد سلفي d'intentionner dans ses œuvres Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu dans les adorations taqsud bidhalika wajha Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli makan min al-ibadat qala ikhlasu ad-din lillah wad-din huna bi ma'na al-ibadah tab ad-din bi ma'na al-amal kama yuqal tab kama tad-din tudan de la manière dont tu vas œuvrer tu seras récompensé fa ikhlasu ad-din كما قال سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص n'est-ce pas qu'à partir d'Allah عز وجل la religion de la sincérité يعني de الإخلاص فالدين هنا بمعنى العمل إخلاص الدين أي العمل لله عز وجل والعمل المراد بذلك العبادة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء قال لله parce que ça lui appartient العبادة لله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فالعبادة هي لله سبحانه وتعالى قال وحده لا شريك له كما في الآية الكثيرة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وكذلك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والآية في ذلك هي كثيرة جدا كمان الله عز وجل هو exclusivement في العبادة قال وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وبيان ضده أي لانفرس دو إخلاص qui veut dire ici yani at-tawhid ikhlasuddin lillahi wahdahu la sharika la wa bayanu diddihi alladhi huwa ash-shirk donc ça nous montre yani min maradif at-tawhid al-ikhlas parmi les synonymes du tawhid al-ikhlas fa al-marad huna bil ikhlas bi ma'na at-tawhid kilahuma bi ma'na wahid wa at-tawhid on a pu voir yani c'était tu te rappelles la définition yani min hayth al-umum de manière générale naam هذا هو نعم. إخلاص الله بما اختص به نعم. قال وبيان ضده الذي هو الشرك بالله تم اسم الناس كي الشرك بشرح سكوا نعم هذا هو إشراك الله عز وجل فيما اختص به نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يعني من هذا لا بالله غير الله فيما اختص به فهو مشرك بمعنى من سوى بينهما سلوك يعني إيقال الله سبحانه وتعالى عن نطفه لو يشوش كي سمحر قال بقول أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى كما نبي بوع يعني ce message là cette رسالة là est beaucoup adressée à ces personnes là dans son époque qui prétendaient la science comme qui prétendaient la connaissance في الدين الله عز وجل فيدي يعني ce premier أصل dans lequel vous vous êtes trompé. C'est grave de se tromper dans ces genres de choses-là, alors que le Coran, aktharuhu fi bayan hadha al-asl. Le Coran, fi al-haqiqa, c'est un exposé du tawhid. Kitab Allah Azza wa Jal, min awwalihi ila akhirihi, ça parle que de tawhid. Et ces personnes-là ignorent qu'est-ce que l'ikhlas. Donc ça montre qu'il y a vraiment un aïb, le défaut qu'ont ces personnes-là, et que c'est grave de prétendre la science, alors qu'il ignore qu'il haqiqa le Qur'an. Il prétend qu'il est men ahli al Qur'an, et il ignore qu'est-ce que le Qur'an. Parce que le Qur'an, c'est tawhid. قال هو كون أكثر من القرآن بل قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى القرآن كله توحيد القرآن اللي en intégralité c'est du توحيد pourquoi parce qu'il dit التوحيد كتاب الله عز وجل il est divisé en trois il dit une partie c'est du توحيد dans lequel c'est توحيد العبادة ou bien توحيد الربوبية des ayats dans lesquels الله عز وجل les montre sont توحيد الربوبية des ayats dans lesquels الله عز وجل les montre التوحيد في الألوهية des ayats dans lesquels الله سبحانه وتعالى nous évoque يعني c'est asma et c'est sifa. Et ça, il dit, c'est sur le Coran. C'est pour ça que le Nabi sallam, lorsque il a dit, يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَ فِي لَيْلَ سُرَةَ الْقُرْآنِ Est-ce que l'un de vous serait capable de lire le tiers du Coran en une nuit? Ils ont dit, وَمَنْ يَسْتَطِعُ ذَلِكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ Et qui peut faire cela? فَقَالَ النَّبِي sallam, قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ سُرَةَ الْقُرْآنِ Cette soirée-là, c'est sur le Coran. Pourquoi? Parce que ça parle que de tawhid. Donc ça montre que le tawhid fi bayan al-asma wa sifat wa al-ubudiyya wa kadhalika al-rububiyya c'est le tiers du Coran. Il dit l'autre tiers il est fi al-ahkam min al-awamir wa al-nawahi et hukuk al-tawhid les droits du tawhid. Comme yani Allah Azza wa Jalla il ordonne bi as-salah, il ordonne bi zakah. Donc tout cela c'est hukuk al-tawhid. Tout le fiqh qui est dans le kitab Allah Azza wa Jalla c'est en découle du tawhid, c'est hukuk al-tawhid. Parce que c'est l'ibadah qui doit être vouée pour Allah Azza wa Jalla wahdahu. Et il dit, wa al-thuluth al-akhir, le troisième tiers, c'est la récompense qu'Allah Azzawajal a donnée à Ahl al-Tawhid. Mid dukhul al-Jannah, wa kadhalika min al-Rahmanati, ta'ummuhum fi al-Dunya, wa kadhalika fi al-Ukhra. Et kadhalika fi bayan, man taraka al-Tawhid, ou taraka hukuk al-Tawhid. Il montre kadhalika al-Uquba, le châtiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rétribué aux personnes qui ont délaissé al-Tawhid et qui se sont adonnées au shirk. Ou bien personnes qui ont fait tawhid, mais qui ont une négligence dans les hukouk al-tawhid. فَبَيَّنَ هَذَا وَهَذَا Il a démontré Allah subhanahu wa ta'ala la récompense de chaque partie. De ceux qui appliquent le tawhid et les droits du tawhid, et de ceux qui n'appliquent pas le tawhid et les droits du tawhid. فَالْقُرْآنَ لَا يَخْرُجْ عَمْنَ هَذِهِ الثَّلَاثَ Le Coran ne sort pas de ces trois choses-là. Soit c'est fi bayan al-tawhid al-khalis, soit c'est fi bayan hukouk al-tawhid, les droits du tawhid qui est l'adoration. وصوص في بيان الجزاء فقال في بالخلاصة رحمه الله فالقرآن كله توحيد القرآن اللي en intégralité c'est du توحيد et ça c'est la خلاصة يعني كلا في ذكر رحمه الله تعالى قال وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى من وجوه شتى يعني par plusieurs يعني aspects plusieurs aspects nous montrent que le Coran est basé sur le توحيد donc ça montre يعني l'ignorance de ces personnes-là فذلك يعني كان يتعجب يسيتونيت سيبخص الله يدعي المعرفة كسب من أهل العلم والعلم والقرآن ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم فالله عز وجل لابلي القرآن علم لباس دو علم سي القرآن لقصة سموت العجب تم يجهل التوحيد ويدعي أنه يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى فمن أشرك بالله عز وجل لباكم كل القرآن بس كل القرآن كله ستوحيد celui qui va adorer une tombe demande à une tombe, cette personne-là, même s'il est hafid dans le Coran, bijamih al-riwayat, c'est un jahil, c'est une hujjatun alayh. Et une hujja qui shadid alayh. Jahilun bi kitabillah, lianna kitab Allah subhanahu wa ta'ala, kulluhu tawhid. Qala bi kalamin yafhamuhu abladul amma. Naham, wadih. Wa laqad yassarna al-Qur'an lil-dhikri fahal mimuddakir. Le Coran, il a été facilité pour la compréhension. Il manque juste al-muddakir, comme qala subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a une personne qui souhaiterait aller s'en rappeler? Fahal mi muddakir. Le Coran, il est muyassar, jiddan. Il est muyassar, jiddan. Comme dit subhanahu wa ta'ala, Huwa alladhi anzala alayka al-kitab, minhu ayatun muhkamatun, hunna umu al-kitab, wa ukharu mutashabihat. Allah Azza wa Jalla a évoqué que son kitab, il est de deux genres. Un qui est explicite, naam, et l'autre qui est équivoque. Wa qala fi al-awwal al-aya, fa qala hunna umu al-kitab. يعني الآية المحكمة c'est الأصل c'est-à-dire que الأصل في كتاب الله عز وجل c'est que tout le monde le comprend يعني beaucoup de personnes le comprennent que les آيات qui sont explicites c'est la أم الكتاب c'est-à-dire مرجع الكتاب أم بمعنى المرجع et un athar kitab Allah azza wa jal yufham yufham. قال ثم صار على اكثر الامه مسارا, c'est-à-dire quoi, al jahl. Et ce jahl là, il se résume par le fait de s'écarter du talab al-ilm et de s'écarter des gens de science, c'est-à-dire ne pas leur poser la question fiqhiyya. Et comme il va évoquer, il y a un troisième rempart qui est quoi, c'est les ulama as-su, ceux qui yatashabbahuna bil ulama, qui se prétendent ulama lakin fil haqiqa ce sont des juhal, ce sont des égareurs, des personnes qui égarent. Donc tout cela, ça fait partie des choses qui yassoudent, qui ferment la porte à la compréhension. Awadan, parce qu'il y a du cassage chez ces personnes-là. Ils ne font pas l'effort d'apprendre. Thaniyan, ils ne demandent pas aux ulama lorsqu'ils ignorent. Wa thalithan, c'est comme ça va venir, Inch'Allah, c'est qu'il y a des gens qui sont mauvais, qui leur barrent la route. Qui vont croire qu'ils sont min ahl al-hilm, min ahl al-fatwa, min ahl al-fam, et fil haqqa, c'est des juhal. Donc après, si jamais tu rajoutes tout cela, et bien ça fait un grand dégât qui est, comme il va l'évoquer, que Atanaqut, et ils comprennent les choses à l'inverse. Fait shirk, c'est tawhid indahum, wa tawhid c'est shirk. Comme on dit. Qala summa, lamma sara ala akthari al-umma masara. C'est-à-dire al-jahl, fi dini Allahi azza wa jal. Wal-bu'd, an al-fahm, wal-ulama. Qala adhara lahum al-shaytan. Wa al-shaytan, ça peut être Iblis, et c'est ras al-shar. La base de tout mal, et كذلك الشياطين من الإنس, une personne qui est égarée dans l'islam, on peut l'évoquer comme shaitan. Allah Azza wa Jalla l'a évoqué qu'on trouve des shayatin parmi les ins, et كذلك parmi les djinns. قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé pour chaque nabi, pour chaque prophète, un ennemi, shayatin al-ins wal jin, un ennemi qui est un shaitan parmi les ins et parmi les djinns. Donc celui qui est ennemi de l'islam, ennemi de la sunna, c'est un shaitan, que ce soit un djinn ou bien un ins. Donc là, shayatin, lorsqu'il dit shaitan, c'est pas que Iblis, lakin kadhalika ahwanuhu, ses apôtres, et ceux kadhalika qui appellent vers la direction dont appelle shaitan, l'égarement yani. فأظهر لهم الشيطان, c'est-à-dire بالوساوس بتزيين الأعمال, en enjolivant les mauvaises œuvres, et كذلك بعوانهم من الإنس, ceux qui sont venus avec des شبهات, ceux qui sont venus avec le طعن يعني في علماء الدين, pour que tu t'écartes de علماء الدين, ils forgent des mensonges يعني sur les علماء, afin que tu t'en écartes, que tu prennes pas la science de eux, qui sont venus avec le طعن يعني في هؤلاء التنقص يعني في الصالحين في العلماء. Ils ont dénigré leur ulama et كذلك sont venus avec des shubuhat yani fi din pour yasuddun an-nas 'an al-haq. Qala wa adhhara lahum ash-shaytan al-ikhlas fi surati tanaqqus as-salihin. Et il a fait apparaître al-ikhlas qui est wadih, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah fi surati tanaqqus as-salihin. C'est-à-dire qu'on ne veut pas du bien pour les salihin, ceux qui sont morts. Ils disent yani hawla tam leur tawhid, c'est le fait de délaisser les gens qui sont morts, yani, qui ont été une cause de votre guidée, qui vous ont montré la vérité. Certains étaient de vos pères, donc ils ont fait des efforts yani, pour que vous soyez dans la bonne voie. Ils ont fait des do'as, ils ont fait des œuvres, yani, et eux, ils les enterrent, et voilà. Et ensuite, on n'en parle plus de ces personnes-là. Ils disent, en gros, hawala, fil haqiqa, yatanaqqasun les as-salihin. Leur tawhid, fil haqiqa, la chose vers laquelle ils vous appellent, c'est de dénigrer as-salihin, de les oublier, et de faire comme si jamais ils n'ont jamais existé. Enfin, ils sont venus avec une choubha. Enfin, ils ont inversé les choses. Fil haqiqa, as-salihun, la ifrat ou la tafrit. Ni d'exagération avec eux, ni de dénigrement. On leur donne le statut que Allah Azza wa Jalla leur a donné. C'est-à-dire, on les aime fillahi Azza wa Jalla. On doit les secourir. Nous hubbuhum fillahi, yani. Lakin, cette mahabba-là ne doit pas se transformer en adoration. Enfin, ma haoula ghalou. Ils ont exagéré dans le mahabba. Parce qu'ils les ont adorés, comme on a pu voir. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ هَوَلَا تَجَوَزُوا. Ils ont aimé, mais d'un amour qui est exagéré. Parce qu'ils ont adoré. قَالَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَا. Ça, c'est leur tawhid. Il ne va pas accepter ta adoration que si jamais tu passes par des intermédiaires. Et Allah Azza wa Jalla l'a jugé de ces choses-là que c'est du mensonge. كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ On ne fait que les adorer afin qu'ils nous approchent d'Allah Azza wa Jalla. قال سبحانه وتعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. Il a démontré que ce qu'ils ont prétendu c'est du mensonge. Allah Azza wa Jalla n'a jamais agréé cela qu'on adore ces personnes-là. وقال وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. C'est ça qu'il a agréé Allah سبحانه وتعالى. Qu'on adore uniquement. Donc ça c'est du mensonge. Et de dire que al-salihun al-haqqa yani ahlus sunnah al-muwahhidun que yani yatanaqqasu al-salihun hadha laysa bisahih. Bal nahnu andi que min shurut la ilaha illallah mahabbatu hadhihi al-kalima wa ma tad'u ilayha wa ma tadull tilka al-kalima wa mahabbatu ahliha. On doit aimer ces gens-là. Comme qala subhanahu wa ta'ala Muhammad rasulullah wa allazina ma'ahu ashiddaw 'ala al-kuffar ruhamaa baynahum. Ils sont doux entre eux. Ils ont dit la ulama comme la mère avec son fils. Ahl al-haq yani ahl al-iman wa tawhid yuhibbun as-salihin lakin mahabbatuhum la tad'uuhum ila al-ibada wa qala zaduh. Tam qala Nabi sallam qala la tatru'uni kama atra'at an-nasara Isa ibn Maryam. En haqiqa hawla yusamma bun nasara chrétien. Qu'ils ont dépassé les limites dans mahabba d'Isa min haythu ils ont adoré. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas leurs droits. Pour eux, qu'est-ce que leur droit? C'est de les adorer, de leur demander. Alors qu'Allah il dit إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. إِن تَدْعُوهُمْ, si jamais tu les appelles, tu les invoques à Allah, ceux qui sont morts, ceux qui prétendent que c'est les salihin qui nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal, si jamais tu les appelles, ils ne vont pas t'entendre. Donc à quoi ça sert de faire ça? قال ولو سمعوا افترت. Laissons penser qu'ils entendent. مستجابوا لكم. Ils vont pas répondre à votre appel. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. Ils vont se désavouer de vous et de shirk que vous avez fait. Donc il a montré que ça c'est du shirk. Alors qu'eux ils appellent ça tawhid. Alors qu'Allah Azza wa Jalla a dit c'est du shirk. Pour te dire que ces personnes-là يجهلون كتاب الله سبحانه وتعالى. قال وأظهر لهم الشرك في سورة محبة الصالحين وأتباعهم. Il leur a zayyan, c'est-à-dire lorsqu'il dit adhara, c'est-à-dire embelli, fil haqiqa. Lorsqu'il dit il leur a présenté, fil haqiqa, il leur a présenté lakin, il l'a embelli. Il leur a embelli ce prétexte-là, ou ce waswas-là. Il a présenté le shirk sous la forme de tawhid, en disant que le tawhid, qui est fil haqiqa du shirk, le tawhid, c'est de demander à ces personnes-là, qui sont des awliya, qui sont haut placés auprès d'Allah, de leur demander, comme vous, vous êtes des personnes qui sont en dessous de cela, de ces personnes-là, donc vous devez leur demander à eux, avant de passer par Allah, pour que votre adoration, vos invocations soient acceptées. Donc il leur a présenté Ash-Shirk fi surati At-Tawhid. Zayyana lahum a'malahum, falahiba bihim. Et eux, ils ont accepté. Pourquoi? Bil jahl. Yaqra'una kitab Allah, lakin ma yafqahu. Amma celui qui lit, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Wa kadhalika qala subhanahu wa ta'ala. وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وكذلك يقول سبحانه وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان يعني اطلق سبحانه وتعالى il a dit je réponds à l'appel de celui qui me demande. Donc ça c'est عام, c'est-à-dire toute personne qui demande, pas seulement les salihin comme ils disent yani la awliya. Il répond à l'appel de toute personne qui demande lakin avec une condition. قال فليستجيب لي, que lui aussi réponde à mon appel, parce que je l'appelle à faire la prière, il faut qu'il réponde. Sinon je ne répondrai pas moi aussi à son appel. فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Et كذلك il faut qu'il ait une foi en Allah عز وجل. لا بد من يعني أصل الإيمان, c'est-à-dire التوحيد. Et كذلك لا بد من استقامة. Il faut qu'elle ait l'istiqama pour qu'Allah lui donne. Tu réponds et Allah va te répondre. Si tu ne réponds pas à l'appel, Allah ne va pas te répondre. Alors dis à ces personnes-là, répondez à l'appel d'Allah. Adorez Allah wahdahu la sharika lah. Et Allah va vous répondre. Ça c'est l'asl al-awwal. Fahawla jahalu. Jahalu at-tawhid. Wa akkasu al-umur. Ils ont inversé les choses. Jahalu at-tawhid shirkan wa shirk tawhidan. Wa kullu dhalika ma huwa sabab. أولا البعد عن العلماء وكذلك ترك الطلب العلم. Ils ont délaissé l'apprentissage. Ils ont délaissé كذلك la سؤال أهل العلم. Ils ont fréquenté les mauvaises personnes. Et في الحقيقة c'est qu'ils ont des œuvres aussi, ces personnes-là qui sont mauvaises. Parce que celui qui a une bonne œuvre, Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Amaha wala yani khadalathum yani sayyi'atuhum. Pour ça que Shaitan, il a pris le dessus sur eux. Jusqu'au point de leur insuffler cette ce waswas-là, qui est que le tawhid c'est du shirk et le shirk c'est du tawhid. هذا هو الأصل الأول. صلى الله عز وجل ينفعنا وياك بما سمعنا. جزاك الله خير يا عبد الله. وياك. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.